Comment l'histoire change-t-elle aujourd'hui ? Il est certain que nous vivons aujourd'hui des changements historiques, c'est-à-dire des événements qui marquent définitivement, en quelque sorte, et on le sent sur le moment, une coupure entre un avant et un après, ce qu'on appelle une discontinuité, ce sur quoi les historiens travailleront sans aucun doute dans quelques temps. C'est vrai, bien entendu, de la pandémie qui marque déjà une coupure dans un 21e siècle qui a déjà connu d'autres événements de ce genre, dès 2001, par exemple, avec le 11 septembre, ou bien entendu d'autres grands événements déjà depuis ce début du 21e siècle encore si jeune. Et bien entendu, c'est le cas aussi de grands seuils techniques, et par exemple dans le numérique, comment s'imaginer un avant Internet encore aujourd'hui? C'est déjà quand l'avant paraît impensable, quand l'avant paraît inimaginable, qu'on sait qu'il y a un changement historique. Comment c'était avant? Voilà, c'est aussi une des grandes questions historiques que se posent les humains. Et bien sûr, il y a le climat qui nous projette dans un après dont la représentation marque elle-même une coupure, parce qu'on ne s'imagine plus un monde qui ne se soucierait plus de l'avenir de la planète et de l'humanité. Ces changements ont donc quelque chose d'historique et de majeur, et on sait déjà que les historiens nous en parleront à nos enfants comme un changement d'époque. Mais il y a un autre changement, plus implicite, qui n'est pas moins important et qui sous-tend les autres, c'est justement un changement dans le rapport à l'histoire elle-même. Tous ces changements historiques nous amènent aussi à changer notre rapport à l'histoire, à changer ce que les historiens comme François Hartog, s'inspirant des philosophes, appellent notre historicité. La relation même que nous avons à l'histoire est en train de changer. La façon dont nous nous situons globalement, en tant qu'humains, dans un passé, un présent et un avenir, qui n'est plus simplement délimité à des collectivités politiques locales, mais à une histoire humaine et même naturelle globale. Comment ce changement de temporalité, de rapport à l'histoire est-il en train de changer dans le présent même? C'est une dimension qui est peut-être aussi profonde que tel ou tel changement ponctuel, aussi grand soit-il, par exemple avec ce que j'ai cité, le climat, Internet ou la pandémie. Il faut donc tenter de penser ce nouveau rapport à l'histoire. Et là, il a des dimensions très nouvelle, très contradictoire, très difficile à intégrer. Pour quelqu'un comme François Hartog, il y a par exemple certes cette expansion à l'histoire universelle, ce que Dipesh Chakrabarty appelle la planète, mais il y a inversement une irruption de l'événement constamment, un présentisme, et d'une certaine manière nous sommes écartelés entre l'événement immédiat et l'avenir global, et notre rapport à l'histoire est en train d'éclater en quelque sorte de l'intérieur. Rien n'est plus compliqué que de penser l'histoire du présent, les transformations du rapport du présent à la temporalité, où il se situe, où il se définit comme présent. Michel Foucault appelait ça faire l'ontologie historique de nous-mêmes, c'est-à-dire se comprendre soi-même dans notre être, dans notre existence, par rapport à cette historicité global. Et bien entendu, on oublie parfois, on oublie souvent cette question qui peut paraître abstraite. Comment nous rapportons-nous à l'histoire? Il y a d'autres choses qui paraissent plus urgentes, évidemment. Encore une fois, la pandémie, le climat, le numérique, la mondialisation, les migrations. Mais rien de tout cela n'est possible sans refonder notre sentiment d'une histoire commune qui a un sens aujourd'hui.